Chapitre 95e. Comment la joie des uns fait le désespoir des autres. Bonjour, mademoiselle. C'est moi, dit Nicole avec une joyeuse révérence, qui cependant, d'après la connaissance que la jeune fille avait du caractère de sa maîtresse, n'était pas exempte d'inquiétude. Vous, et par quel hasard ? Répliqua André, en déposant sa plume pour mieux suivre la conversation qui s'engageait ainsi. Mademoiselle m'a oublié, moi je suis venu. Mais si je vous oubliais, mademoiselle, c'est que j'avais mes raisons pour cela. Qui vous a permis de venir ? Monsieur le baron, sans doute, mademoiselle, dit Nicole, en rapprochant d'un air assez mécontent les deux beaux sourcils noirs qu'elle devait à la générosité de monsieur Rafté. Mon père a besoin de vous à Paris, et moi je n'ai aucun besoin de vous ici. Vous pouvez donc retourner, mon enfant. Oh, mais, dit Nicole, mademoiselle n'a guère d'attache. Je croyais avoir bien plus d'avantages à mademoiselle. Aimez donc, ajouta philosophiquement Nicole, pour qu'on vous le rende de la sorte. Et ses beaux yeux firent tous leurs efforts pour attirer une larme à leurs paupières. Il y avait assez de cœur et de sensibilité dans le reproche pour exciter la compassion d'André. Mon enfant, dit-elle, ici l'on me sert, et je ne puis me permettre de surcharger la maison de madame la dauphine d'une bouche de plus. Bon, comme si cette bouche était bien grande, dit Nicole avec un charmant sourire. Il n'importe, Nicole, ta présence ici est impossible. À cause de cette ressemblance, dit la jeune fille, vous n'avez donc pas regardé ma figure, mademoiselle? En effet, tu parais changé, je le crois bien. Un beau seigneur, celui qui a fait donner un grade à monsieur Philippe, est venu chez nous hier, et comme il a vu monsieur le baron triste de vous laisser ici sans femme de chambre, il lui a conté que rien n'était plus facile que de me changer du blanc au noir. Il m'a emmené, m'a fait coiffer comme vous voyez, et me voici. André sourit. Tu m'aimes donc bien que tu vas à tout prix t'enfermer à Trianon, où je suis presque prisonnière. Nicole jeta un rapide mais intelligent regard autour d'elle. Cette chambre n'est pas gaie, dit-elle, mais vous n'y restez pas toujours. Moi, sans doute, répliqua André, mais toi? Eh bien, moi. Toi qui n'iras pas dans le salon, près de madame la dauphine, toi qui n'auras ni le jeu, ni la promenade, ni le cercle, toi qui resteras toujours ici, tu risques de mourir d'ennui. Oh, dit Nicole, il y a bien quelques petites fenêtres, on pourra bien voir un coin de ce monde, ne fût-ce que par l'embrasure d'une porte. Si l'on voit, on peut être vu. Voilà tout ce qu'il me faut, ne vous inquiétez pas de moi. Je le répète, Nicole, non, je ne puis te recevoir sans un ordre express. De qui? De mon père. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Nicole tira de sa gorgerette la lettre du baron de Tavernay. Alors, dit-elle, puisque mes prières et mon dévouement ne font pas d'effet, voyons si la recommandation que voici aura plus de pouvoir. André lut la lettre, qui était ainsi conçue. Je sais, et l'on remarque, ma chère André, que vous ne tenez pas à Trianon l'état que votre rang vous commande impérieusement d'avoir. Il vous faudrait deux femmes et un balai de pied, comme il me faudrait à moi 20 000 livres de revenus. Cependant, comme je me contente de 1 000 livres, imitez-moi et prenez Nicole, qui voit elle seule tout le domestique qui vous serait nécessaire. Nicole est agile, intelligente et dévouée. Elle prendra vite le ton et les manières de la localité. Vous aurez le soin, non de stimuler, mais d'enchaîner sa bonne volonté. Gardez-la donc, et ne croyez pas que je fisse un sacrifice. Au cas où vous le croiriez, souvenez-vous que Sa Majesté, qui a eu la bonté de penser à nous en vous voyant, a remarqué, ceci m'est confié par un bon ami, que vous manquez de toilette et de représentation. Songez à cela, c'est d'une haute importance. Votre affectionné père. Cette lettre jeta André dans une perplexité douloureuse. Ainsi, elle allait être poursuivie jusque dans sa prospérité nouvelle par une pauvreté que seule elle ne sentait pas être un défaut lorsque tout la lui reprochait comme une tâche. Elle fut sur le point de briser sa plume avec colère et de déchirer la lettre commencée pour répondre au baron quelques belles tirades pleines d'un désintéressement philosophique que Philippe eut signé des deux mains. Mais il lui sembla voir le sourire ironique du baron lorsqu'il lirait ce chef-d'œuvre, et aussitôt toute sa résolution s'évanouit. Elle se contenta donc de répondre à ce factum du baron par un paragraphe annexé aux nouvelles qu'elle lui mandait de Trianon. « Mon père, ajouta-t-elle, Nicole arrive à l'instant même, et je la reçois sur votre désir. Mais ce que vous m'avez écrit à son sujet m'a désespéré. Serais-je moins ridicule avec cette petite villageoise pour femme de chambre que je ne l'étais seule au milieu de ces opulents de la cour? Nicole sera malheureuse de me voir humiliée, elle m'en saura mauvais gré, car les valets sont fiers ou humbles pour eux du luxe ou de la simplicité de leur maître. Quant à la remarque de Sa Majesté, mon père, permettez-moi de vous dire que le roi a tant d'esprit qu'il ne peut m'en vouloir de mon impuissance à faire la grande dame, et que Sa Majesté, en outre, a trop de cœur pour avoir remarqué ou critiqué ma misère, au lieu de la changer en une aisance que votre nom et vos services légitimeraient aux yeux de tous. » Telle fut la réponse de la jeune fille, et il faut avouer que cette candide innocence, que cette noble fierté, avait bien facilement raison contre l'astuce et la corruption de ses tentateurs. André ne parla plus de Nicole. Elle la garda, en sorte que celle-ci, enthousiasmée et joyeuse, elle savait bien pourquoi, dressa, séance tenante, un petit lit dans le cabinet de droite, donnant sur l'antichambre, et se fit toute petite, toute aérienne, toute exquise, pour ne gêner en rien sa maîtresse par sa présence dans ce réduit si modeste. On eût dit qu'elle voulait imiter la feuille de rose que les savants de Perse avaient laissée tomber sur le vase plein d'eau pour montrer qu'on y pouvait ajouter quelque chose sans faire déborder le contenu. André partit pour Trianon vers 1 heure. Jamais elle n'avait été plus vite et plus gracieusement parée. Nicole s'était surpassée. Complaisance, attention et intention, rien n'avait manqué à son service. Lorsque Mademoiselle de Tavernay fut partie, Nicole se sentit maîtresse de la place et en fit la revue exacte. Tout passa par son examen, depuis la lettre jusqu'au dernier colifichet de toilette, depuis la cheminée jusqu'au plus secret recoin des cabinets. Et puis, on regarda par la fenêtre pour prendre l'air du voisinage. En bas, une vaste cour, où les palefreniers pansaient et étriaient les chevaux de luxe de Madame la Dauphine. Des palefreniers, fis donc. Nicole détourna la tête. À droite, une rangée de fenêtres sur le rang de la fenêtre d'André. Quelques têtes y apparurent, têtes de femmes de chambre et de frotteurs. Nicole passa dédaigneusement un autre examen. En face, des maîtres de musique faisaient répéter dans une vaste chambre des choristes et des instrumentistes pour la messe de Saint-Louis. Nicole s'amusa, tout en époustant, à chantonner à sa manière, de telle sorte qu'elle donna des distractions aux maîtres et que les choristes chantèrent faux impunément. Mais ce passe-temps ne pouvait longtemps suffire aux ambitions de Mademoiselle Nicole. Lorsque maître et écolier se furent suffisamment querellés et trompés, la petite personne passa la revue de l'étage supérieur. Toutes les fenêtres étaient fermées, d'ailleurs c'étaient des mansardes. Nicole se remit à épouster, mais un moment après, une de ces mansardes était ouverte, sans qu'on eût pu voir par quel mécanisme, car personne ne paraissait. Quelqu'un cependant l'avait ouverte, cette fenêtre. Ce quelqu'un avait vu Nicole et ne restait pas à la regarder. C'était un quelqu'un bien impertinent. Voilà du moins ce que pensa Nicole. Aussi, pour ne pas manquer, elle qui étudiait si consciencieusement, étudiait un visage d'impertinent, elle s'attacha au moindre tour qu'elle faisait dans la chambre d'André, à revenir près de la fenêtre, donner son coup d'œil à la mansarde, c'est-à-dire à cet œil ouvert qui lui manquait de respect en la privant de son regard, faute de prunelle. Une fois, elle crut remarquer qu'on avait fui lorsqu'elle approchait. Ce n'était pas croyable, elle ne le crut pas. Une autre fois, elle en fut à peu près sûre, ayant vu le dos du fugitif, surpris par un retour plus prompt qu'il ne s'y attendait. Alors Nicole usa de ruse. Elle se cacha derrière le rideau, en laissant la fenêtre toute grande ouverte, afin de ne donner aucun soupçon. Elle attendit longtemps, mais enfin, des cheveux noirs apparurent, puis des mains craintives qui soutenaient en arc-boutant un court penché avec précaution. Enfin, la figure se montra distinctement à découvert. Nicole faillit tomber à la renverse et chiffonna tout le rideau. C'était la figure de M. Gilbert, qui regardait là-haut du haut de cette mansarde. Gilbert, en voyant le rideau trembler, comprit la ruse et ne reparut plus. Bien mieux, la fenêtre de la mansarde se ferma. Nul doute, Gilbert avait vu Nicole. Il avait été stupéfait. Il avait voulu se convaincre de la présence de cet ennemi, et se voyant découvert lui-même, il avait fui, plein de trouble et de colère. Voilà du moins comment Nicole interpréta la scène, et elle avait bien raison. C'était bien ainsi qu'il convenait de l'interpréter. En effet, Gilbert eût mieux aimé voir le diable que de voir Nicole. Il se forgea 1000 terreurs de l'arrivée de cette surveillante. Il avait contre elle un vieux levain de jalousie. Elle savait son secret du jardin de la rue Coqueron. Gilbert s'enfuit avec trouble, non pas seulement avec trouble, mais avec colère, mais en se mordant les doigts de rage. « Que m'importe à présent, se disait-il, ma sotte découverte dont j'étais si fier. Que Nicole ait eu là-bas un amant, le mal est fait, et on ne la reverra pas pour cela ici. Tandis qu'elle, s'ils disent que j'ai fait rue Coqueron, peut me faire chasser de Trianon. Ce n'est pas moi qui tiens Nicole, c'est Nicole qui me tient. Oh, rage !» Et tout l'amour-propre de Gilbert, servant de stimulant à sa haine, fit bouillonner son sang avec une violence inouïe. Il lui sembla qu'en entrant dans cette chambre, Nicole venait d'en faire envoler avec un diabolique sourire tous les heureux songes que Gilbert, de sa mansarde, y envoyait chaque jour avec ses vœux, avec son ardent amour et avec ses fleurs. Gilbert avait trop à penser pour s'être occupé jusque-là de Nicole. Ou bien avait-il éloigné cette pensée par la terreur qu'elle lui inspirait? Voilà ce que nous ne déciderons pas. Mais ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que la vue de Nicole fut pour lui une surprise essentiellement désagréable. Il sentait bien que la guerre se déclarait tôt ou tard entre Nicole et lui. Mais comme Gilbert était un homme prudent et politique, il ne voulait pas que cette guerre commençât avant qu'il ne fût en mesure de la faire énergique et bonne. Il résolut donc de contrefaire le mort jusqu'à ce que le hasard lui ait donné une occasion favorable de ressusciter, ou jusqu'à ce que Nicole, par faiblesse ou par besoin, risquât à son endroit une démarche qui lui fit perdre de ses avantages. C'est pourquoi, tout yeux, tout oreille pour André, mais circonspect, mais vigilant sans trêve, il continua de se tenir au courant des affaires intérieures de la première chambre du corridor, sans qu'une seule fois Nicole eût pu le rencontrer dans les jardins. Malheureusement pour Nicole, elle n'était pas irréprochable, et l'eût-elle été pour le présent, il y avait toujours dans son passé quelques pierres d'achoppement sur laquelle on pouvait la faire chanceler. C'est ce qui arriva au bout de 8 jours. Gilbert, en guettant le soir, en guettant la nuit, finit par entrevoir, à travers les grilles, un plumet qui ne lui était pas inconnu. Ce plumet causait à Nicole des distractions incessantes, car c'était celui de M. Beausire, qui, suivant la cour, avait émigré de Paris à Trianon. Longtemps Nicole fit la cruelle, longtemps elle laissa M. Beausire grelotter au froid ou fondre au soleil, et cette vertu désespérait Gilbert. Mais un beau soir, M. Beausire, ayant dépassé sans doute les limites de l'éloquence mimique et trouvé la persuasion, Nicole profita du moment où André dînait dans le pavillon avec Madame de Noailles pour rejoindre M. Beausire, qui aidait son ami, le surveillant des écuries, à dresser un petit cheval d'Irlande. De la cour, on passa au jardin, et du jardin à l'avenue ombreuse qui conduit à Versailles. Gilbert suivit le couple amoureux avec la joie féroce d'un tigre qui évente une piste. Il compta leurs pas, leurs soupirs, apprit par cœur ce qu'il entendit de leurs paroles, et il faut croire qu'il fut heureux du résultat, car le lendemain, affranchi de toute gêne, il se montra chantonnant et délibéré à sa mansarde, sans plus redouter d'être vu de Nicole, mais au contraire, ayant l'air de braver son regard. Celle-ci reprisait une mitaine de soie brodée à sa maîtresse. Au bruit de la chanson, elle leva la tête et vit Gilbert. Sa première manifestation fut une certaine moue dédaigneuse qui tournait allègre et sentait son hostilité du lieu. Mais Gilbert soutint ce regard et cette moue avec un si singulier sourire, imitant de provocation dans son maintien et dans sa façon de chanter, que Nicole baissa la tête et rougit. « Elle a compris, se dit Gilbert, c'est tout ce que je demandais. » Depuis, il recommença le même manège, et ce fut Nicole qui trembla. Elle en vint au point de désirer une entrevue avec Gilbert, pour se soulager le cœur de ce poids qu'avaient lancé les regards ironiques du jeune jardinier. Gilbert remarqua qu'on le recherchait. Il ne pouvait se méprendre aux petites toux sèches qui résonnaient près de la fenêtre, lorsque Nicole le savait dans sa mansarde, aux allées et venues de la jeune fille dans le corridor, lorsqu'il pouvait supposer qu'il allait descendre ou monter. Un moment, il fut bien heureux de ce triomphe, qu'il attribuait tout entier à sa force de caractère et à son esprit de conduite. Nicole le guetta si bien qu'elle le vit une fois monté son escalier. Elle l'appela, il ne répondit pas. La jeune fille poussa plus loin sa curiosité ou sa crainte. Elle ôta un soir ses jolies mules à talons, héritage d'André, et se hasarda, tremblante et rapide, dans la pentille au fond duquel on voyait la porte de Gilbert. Il faisait encore assez jour pour que ce dernier, prévenu de l'approche de la jeune fille, put voir Nicole distinctement à travers les jointures ou plutôt les disjonctions des planches. Elle vint heurter à sa porte, sachant bien qu'il était dans sa chambre. Gilbert ne répondit pas. C'était pourtant pour lui une dangereuse tentation. Il pouvait humilier à son aise celle qui revenait ainsi demander son pardon. Il était seul, ardent et frissonnant chaque nuit au souvenir de Tavernet, l'œil collé à la porte, dévorant la beauté fascinatrice de cette voluptueuse fille. Surexcité par la sensation préliminaire de son amour-propre, il levait déjà la main pour tirer le verrou qu'avec sa prévoyance et sa circonspection habituelle, il avait poussé pour n'être pas surpris. « Non, se dit-il, non. Il n'y a que calcul chez elle. C'est par besoin et par intérêt qu'elle vient me solliciter. Donc, elle y gagnerait quelque chose. Qui sait, moi, ce que j'y perdrais ?» Et sur ce raisonnement, il laissa retomber sa main à son côté. Nicole, après avoir frappé deux ou trois fois à la porte, s'éloigna en fronçant le sourcil. Gilbert conserva donc tous ses avantages. Nicole alors redoubla de ruse pour ne pas perdre entièrement les siens. Enfin, tant de projets et de contrebines se réduisirent à ces mots que les deux parties belligérantes échangèrent un soir à la porte de la chapelle où le hasard les avait mis en présence. « Tiens, bonsoir, monsieur Gilbert, vous êtes donc ici ?»« Eh, bonsoir, mademoiselle Nicole. Vous voilà donc à Trianon. Comme vous voyez, femme de chambre de mademoiselle. Et moi, aide-jardinier. » Là-dessus, Nicole fit une belle révérence à Gilbert, qui la salua en homme de cour, et ils se séparèrent. Gilbert remontait chez lui. Il feignit de continuer sa route. Nicole sortait de chez elle et poursuivit son chemin. Seulement Gilbert redescendit à pas de loup et suivit Nicole, comptant bien qu'elle allait retrouver M. Beausire. Il y avait en effet sous les ombrages de l'allée un homme qui attendait. Nicole s'en approcha. Il faisait trop sombre déjà pour que Gilbert reconnût M. Beausire. Et l'absence du plumet l'intrigua tellement qu'il laissa revenir Nicole au logis et suivit l'homme au rendez-vous jusqu'à la grille de Trianon. Ce n'était pas M. Beausire, mais un homme d'un certain âge, ou plutôt d'un âge certain, tournure de grand seigneur et démarche fringante malgré la vieillesse. En s'approchant, Gilbert, qui passa presque sous le nez de ce personnage avec une impudente audace, reconnut M. de Richelieu. « Peste, dit-il, après l'exemple, le maréchal de France. Mademoiselle Nicole monte en grade ?»